Les inattendus de la science, avec vous Fabienne Chauvière, bonjour. Bonjour Eric. On commence avec ces chercheurs qui affirment pouvoir prédire le succès d'une chanson. On n'a plus qu'à s'y mettre Eric. On va faire une belle chanson. Ils ont décortiqué, ces chercheurs, plus de 500 000 chansons et voici la recette pour entrer au top 50. Ce matin, j'avais faim, mais pas assez pour manger trop. Un demi-million de titres de musique, pop, rock, jazz, classique ou encore techno, sortis au Royaume-Uni au cours des 30 dernières années, ont été écoutés par des chercheurs de l'Université de Californie. Grâce à un algorithme qu'ils ont mis au point, les auteurs de l'étude pensent avoir trouvé les ingrédients des tubes. Ce sont les titres propices à la danse ou à la détente, chantés par une femme, qui fonctionneraient le mieux. Une chanson joyeuse interprétée par une femme ne va pas forcément faire un carton. Mais cet algorithme serait, d'après les chercheurs, capable de prédire le succès d'une chanson à 85%, ce qui n'est déjà pas si mal. Avec Madonna en illustration sonore, s'il vous plaît, sans tambour ni trompette. Voilà que l'on sait maintenant comment couver les dinosaures à plumes. Oui, des paléontologues chinois et canadiens ont compris comment ils s'y prenaient pour ne pas écraser les œufs. Plus de 40 nids fossiles, pour la plupart originaires de Chine et de Mongolie, ont été analysés par les chercheurs. Et ils pensent que les dinosaures disposaient les œufs autour d'eux et non pas sous eux pour les garder au chaud et les protéger sans les détruire. Le diamètre des nids pouvait aller jusqu'à 3,30 m. Les dinosaures à plumes, qui sont de lointains parents de nos oiseaux, vivaient il y a plus de 66 millions d'années. Ils pouvaient avoir de drôles d'apparence. Par exemple, l'espèce surnommée poule de l'enfer avait une crête osseuse imposante et une longue queue de lézard. Beaucoup de dinosaures ne couvaient pas leurs œufs et se contentaient de les enterrer après la ponte, un peu comme le font aujourd'hui les crocodiles. Allez, on va s'intéresser à nos oreilles à présent, car nous n'entendons pas tous la même chose. Non, Eric, d'ailleurs, certains pensent peut-être que je ne m'appelle pas Fabienne, mais Gertrude. Le 15 mai dernier, une youtubeuse a posté l'enregistrement d'une voix de synthèse qui a interpellé les scientifiques, car certains internautes ont entendu cette voix prononcer clairement Laurel, Laurel. Et d'autres assurent qu'elle dit Yanni. Yanny? Les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet pensent que le phénomène pourrait être expliqué par la fréquence de l'enregistrement. À une fréquence plus élevée, on entendrait plutôt Yanni. À une fréquence plus basse, on serait convaincu d'entendre Laurel. Cela expliquerait par exemple pourquoi les personnes âgées qui perdent progressivement leur capacité à entendre les hautes fréquences perçoivent plutôt un Laurel. Ces différences de perception pourraient aussi venir de nos expériences personnelles. Nos oreilles entendent, mais c'est notre cerveau qui écoute. C'est moi Laurel, c'est moi Yanni, et nous sommes de bons amis. Oui, moi j'ai les oreilles qui baissent, mais c'est là, c'est un autre sujet. On parle d'astrophysique à présent. De l'astrophysique, il y en a dans les tapisseries médiévales. Oui, et elles permettent aux chercheurs de partir à la recherche d'une neuvième planète. Une hypothétique géante glacée 10 fois plus massive que la Terre et 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune pourrait être élevée au statut de 9e planète du système solaire si elle daignait se montrer. Une médiéviste et un astrophysicien se sont associés pour porter un projet de recherche appelé Avant et après Halley. Leur objectif, trouver une preuve supplémentaire de l'existence d'une 9e planète. Les observations de comètes ont été datées et décrites avec précision sur les tapisseries du Moyen-Âge. Les scientifiques peuvent prendre les orbites des comètes connues actuellement et faire des simulations sur ordinateur. La place des comètes dans le ciel dépend de l'existence d'une 9e planète. En faisant ces simulations, les scientifiques peuvent voir s'ils doivent prendre en compte ou pas cette hypothétique 9e planète. Les inattendus de la science, c'est aussi sur franceinter.fr.